Ok frérot, fais-moi une coupe carrée. Je t'en demande pas des masses, moi je veux juste un dégradé. Des contours parallèles, et faut vraiment pas te rater. Parce que c'est pas très halal, comment lui il m'avait gâté la dernière fois. J'assure, je suis pas de mauvaise foi. Mais bon, les contours qu'il m'a fait, ils étaient ronds, dis donc. Et oublie pas l'arrêt, ça c'est la touche finale. C'est comme une panenka en coupe du monde à la Zidane. Non, j'suis sérieux, faut pas que tu me fasses de prayer. Le fait est que tu n'as pas le droit à l'erreur. J'vois une femme, pas plus tard que dans 2 heures, j'serais malheureux si ma coupe est une horreur. Merde, son boule a touché mon cœur, ma coupe doit toucher le sien. Si tu rates, j'vais gérer ta sœur, et en plus j'vais vendre ton chien. Non, blague à part, là faut vraiment me rendre mignon. De toute façon, si j'aime pas, gâteau, t'auras pas ton pognon.